Chapitre 19. Une baleine en vue. Le bassin de Melville, quoique aisément navigable, n'était pas dépourvu de glace. On apercevait d'immenses icefields prolongés jusqu'aux limites de l'horizon. Ça et là apparaissaient quelques icebergs, mais immobiles et comme ancrés au milieu des champs glacés. Le Forward suivait à toute vapeur de larges passes où ses évolutions devenaient faciles. Le vent changeait fréquemment, sautant avec brusquerie d'un point du compas à l'autre. La variabilité du vent dans les mers arctiques est un fait remarquable, et souvent quelques minutes à peine séparent un calme plat d'une tempête désordonnée. C'est ce qu'Hatteras éprouva le 23 juin au milieu même de l'immense baie. Les vents les plus constants soufflent généralement de la banquise à la mer, libre, et sont très froids. Ce jour-là, le thermomètre descendit de quelques degrés. Le vent sauta dans le sud et d'immenses rafales passant au-dessus des champs de glace vinrent se débarrasser de leur humidité sous la forme d'une neige épaisse. Hatteras fit immédiatement carguer les voiles dont il aidait l'hélice, mais pas si vite cependant que son petit perroquet ne fût emporté en un clin d'œil. Hatteras commanda ses manœuvres avec le plus grand sang-froid et ne quitta pas le pont pendant la tempête. Il fut obligé de fuir devant le temps et de remonter dans l'ouest. Le vent soufflait des vagues énormes au milieu desquelles se balançaient des glaçons de toutes formes arrachés aux icefields environnants. Le brick était secoué comme un jouet d'enfant et les débris des packs se précipitaient sur sa coque. Par moments, il s'élevait perpendiculairement au sommet d'une montagne liquide. Sa proue d'acier, ramassant la lumière diffuse, étincelait comme une barre de métal en fusion. Puis il descendait dans un abîme, donnant de la tête au milieu des tourbillons de sa fumée, tandis que son hélice, hors de l'eau, tournait à vide avec un bruit sinistre et frappait l'air de ses branches émergées. La pluie, mêlée à la neige, tombait à torrents. Le docteur ne pouvait manquer une occasion pareille de se faire tremper jusqu'aux os. Il demeura sur le pont, en proie à toute cette émouvante admiration qu'un savant sait extraire d'un tel spectacle. Son plus proche voisin n'aurait pu entendre sa voix. Il se taisait donc et regardait. Mais en regardant, il fut témoin d'un phénomène bizarre et particulier aux régions hyperboréennes. La tempête était circonscrite dans un espace restreint et ne s'étendait pas à plus de 3 ou 4 miles. En effet, le vent qui passe sur les champs de glace perd beaucoup de sa force et ne peut porter loin ses violences désastreuses. Le docteur apercevait de temps à autre, par quelque embellie, un ciel serein et une mer tranquille au-delà des icefields. Il suffisait donc au Forward de se diriger à travers les passes pour retrouver une navigation paisible. Seulement, il courait risque d'être jeté sur ses bancs mobiles qui obéissaient au mouvement de la houle. Cependant, Hatteras parvint au bout de quelques heures à conduire son navire en mer calme, tandis que la violence de l'ouragan, faisant rage à l'horizon, venait expirer à quelques encablures du Forward. Le bassin de Melville ne présentait plus alors le même aspect. Sous l'influence des vagues et des vents, un grand nombre de montagnes, détachées des côtes, dérivaient vers le nord, se croisant et se heurtant dans toutes les directions. On pouvait en compter plusieurs centaines, mais la baie est fort large et le brick les évita facilement. Le spectacle était magnifique de ces masses flottantes qui, douées de vitesses inégales, semblaient lutter entre elles sur ce vaste champ de course. Le docteur en était à l'enthousiasme quand Simpson, le harponneur, s'approcha et lui fit remarquer les teintes changeantes de la mer. Ces teintes variaient d'un bleu intense jusqu'au vert olive. De longues bandes s'allongeaient du nord au sud avec des arêtes si vivement tranchées que l'on pouvait suivre jusqu'à perte de vue leur ligne de démarcation. Parfois aussi, des nappes transparentes prolongeaient d'autres nappes entièrement opaques. « Eh bien, monsieur Clawbonny, que pensez-vous de cette particularité ?» dit Simpson. « Je pense, mon ami, répondit le docteur, ce que pensait le baleinier Scoresby sur la nature de ces eaux diversement colorées. C'est que les eaux bleues sont dépourvues de ces milliards d'animalcules et de méduses dont sont chargées les eaux vertes. Il a fait diverses expériences à ce sujet, et je l'en crois volontiers. Oh, monsieur, il y a un autre enseignement à tirer de la coloration de la mer. Vraiment ? Oui, monsieur Clawbonny, et foi de harponneur, si le Forward était seulement un baleinier, je crois que nous aurions beau jeu. « Cependant, répondit le docteur, je n'aperçois pas la moindre baleine. « Bon, nous ne tarderons pas à en voir, je vous le promets. C'est une fameuse chance pour un pêcheur de rencontrer ces bandes vertes sous cette latitude. « Et pourquoi ? Demanda le docteur, que ces remarques faites par des gens du métier intéressaient vivement. « Parce que c'est dans ces eaux vertes, répondit Simpson, que l'on pêche les baleines en plus grande quantité. « Et la raison, Simpson ? C'est qu'elles y trouvent une nourriture plus abondante. Vous êtes certain de ce fait ? Oh, je l'ai expérimenté 100 fois, monsieur Clawbonny, dans la mer de Baffin. Je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même dans la baie Melville. Vous devez avoir raison, Simpson. Et tenez, répondit celui-ci en se penchant au-dessus du bastingage. Regardez, monsieur Clawbonny. Tiens, répondit le docteur, on dirait le sillage d'un navire. Eh bien, répondit Simpson, c'est une substance graisseuse que la baleine laisse après elle. Croyez-moi, l'animal qui l'a produite ne doit pas être loin. En effet, l'atmosphère était imprégnée d'une forte odeur de fraîcheur. Le docteur se prit donc à considérer attentivement la surface de la mer et la prédiction du harponneur ne tarda pas à se vérifier. La voix de Fokker se fit entendre au haut du mât. « Une baleine » cria-t-il, « sous le vent, à nous !» Tous les regards se portèrent dans la direction indiquée. Une trombe peu élevée qui jaillissait de la mer fut aperçue à un mâle du brick. « la voilà !» s'écria Simpson, que son expérience ne pouvait tromper. « Elle a disparu !» répondit le docteur. « On saurait bien la retrouver si cela était nécessaire !» dit Simpson avec un accent de regret. Mais, à son grand étonnement, et bien que personne n'eût osé le demander, Hatteras donna l'ordre d'armer la baleinière. Il n'était pas fâché de procurer cette distraction à son équipage et même de recueillir quelques barils d'huile. Cette permission de chasse fut donc accueillie avec satisfaction. 4 matelots prirent place dans la baleinière. Johnson, à l'arrière, fut chargé de la diriger. Simpson se tint à l'avant, le harpon à la main. On ne put empêcher le docteur de se joindre à l'expédition. La mer était assez calme, la baleinière déborda rapidement et 10 minutes après, elle se trouvait à un mile du brick. La baleine, munie d'une nouvelle provision d'air, avait plongé de nouveau. Mais elle revint bientôt à la surface et lança à 15 pieds ce mélange de vapeurs et de mucosités qui s'échappe de ses évents. « Là, là !» fit Simpson en indiquant un point à 800 yards de la chaloupe. Celle-ci se dirigea rapidement vers l'animal et le brick, l'ayant aperçu de son côté, se rapprocha en se tenant sous petite vapeur. L'énorme cétacé disparaissait et reparaissait au gré des vagues, montrant son dos noirâtre, semblable à un écueil échoué en pleine mer. Une baleine ne nage pas si vite lorsqu'elle n'est pas poursuivie, et celle-ci se laissait bercer indolemment. La chaloupe s'approchait silencieusement, en suivant ses eaux vertes, dont l'opacité empêchait l'animal de voir son ennemi. C'est un spectacle toujours émouvant que celui d'une barque fragile s'attaquant à ces monstres. Celui-ci pouvait mesurer 130 pieds environ. Il n'est pas rare de rencontrer entre le 72e et le 80e degré des baleines dont la taille dépasse 180 pieds. D'anciens écrivains ont même parlé d'animaux longs de plus de 700 pieds, mais il faut les ranger dans les espèces dites d'imagination. Bientôt la chaloupe se trouva près de la baleine. Simpson fit un signe de la main, les rames s'arrêtèrent et brandissant son harpon, l'adroit marin le lança avec force. Cet engin, armé de javelines barbelées, s'enfonça dans l'épaisse couche de graisse. La baleine blessée rejeta sa queue en arrière et plongea. Aussitôt, les 4 avirons furent relevés perpendiculairement. La corde, attachée au harpon et disposée à l'avant, se déroula avec une rapidité extrême et la chaloupe fut entraînée pendant que Johnson la dirigeait adroitement. La baleine, dans sa course, s'éloignait de Brick et s'avançait vers les icebergs en mouvement. Pendant 1/2 heure, elle fila ainsi. Il fallait mouiller la corde du harpon pour qu'elle ne prît pas feu par le frottement. Lorsque la vitesse de l'animal parut se ralentir, la corde fut retirée peu à peu et soigneusement roulée sur elle-même. La baleine reparut bientôt à la surface de la mer qu'elle battait de sa queue formidable. De véritables trombes d'eau soulevées par elle retombaient en pluie violente sur la chaloupe. Celle-ci se rapprocha rapidement, Simpson avait saisi une longue lance et s'apprêtait à combattre l'animal corps à corps. Mais celui-ci prit à toute vitesse par une passe que deux montagnes de glace laissaient entre elles. La poursuivre devenait alors extrêmement dangereuse. « Diable !» fit Johnson. « En avant, en avant ! Ferme, mes amis !» s'écriait Simpson, possédé de la furie de la chasse. « La baleine est à nous !»« Mais nous ne pouvons la suivre dans les icebergs !» répondit Johnson en maintenant la chaloupe. « Si, si !» criait Simpson. « Non, non !» firent quelques matelots. « Oui !» s'écriaient les autres. Pendant la discussion, la baleine s'était engagée entre deux montagnes flottantes que la houle et le vent tendaient à réunir. La chaloupe, remorquée, menaçait d'être entraînée dans cette passe dangereuse, quand Johnson, s'élançant à l'avant, une hache à la main, coupa la corde. Il était temps. Les deux montagnes se rejoignaient avec une irrésistible puissance, écrasant entre elles le malheureux animal. « Perdu !» s'écria Simpson. « Sauvé !» répondit Johnson. « Ma foi !» fit le docteur, qui n'avait pas sourcillé, « cela vaut la peine d'être vu. » La force d'écrasement de ces montagnes est énorme. La baleine venait d'être victime d'un accident souvent répété dans ces mers. Scoresby raconte que, dans le cours d'un seul été, 30 baleines ont ainsi péri dans la baie de Baffin. Il vit un trois-mâts aplati en une minute entre deux immenses murailles de glace, qui, se rapprochant avec une effroyable rapidité, le firent disparaître corps et biens. Deux autres navires, sous ses yeux, furent percés de part en part, comme à coup de lance, par des glaçons aigus de plus de 100 pieds de longueur, qui se rejoignirent à travers les bordages. Quelques instants après, la chaloupe accostait le brick et reprenait sur le pont sa place accoutumée. « C'est une leçon, » dit Shandon à haute voix, « pour les imprudents qui s'aventurent dans les passes. » Chapitre 20. L'île Béchet. Le 25 juin, le Forward arrivait en vue du Cap Dundas, à l'extrémité nord-ouest de la terre du Prince de Galles. Là, les difficultés s'accrurent au milieu des glaces, plus nombreuses. La mer se rétrécit en cet endroit, et la ligne des îles Crozier, Young, Day, Lowther, Garrett, rangées comme des forts au-devant d'une rade, oblige les ice streams à s'accumuler dans le détroit. Ce que le brick, en toute autre circonstance, eût fait en une journée, lui prit du 25 au 30 juin. Il s'arrêtait, revenait sur ses pas, attendait l'occasion favorable pour ne pas manquer l'île Béchet, dépensant beaucoup de charbon, se contentant de modérer son feu pendant ses haltes, mais sans jamais l'éteindre, afin d'être en pression à toute heure du jour et de nuit. Hatteras connaissait aussi bien que Shandon l'état de son approvisionnement. Mais certain de trouver du combustible à l'île Béchet, il ne voulait pas perdre une minute par mesure d'économie. Il était fort retardé par suite de son détour dans le sud, et quoiqu'il eût pris la précaution de quitter l'Angleterre dès le mois d'avril, il ne se trouvait pas plus avancé maintenant que les expéditions précédentes à pareille époque. Le 30, on releva le cap Walker, à l'extrémité nord-est de la terre du Prince de Galles. C'est le point extrême que Kennedy et Bellot aperçurent le 3 mai 1852, après une excursion à travers tout le North Somerset. Déjà, en 1851, le capitaine Homanet, de l'expédition Austin, avait eu le bonheur de pouvoir y ravitailler son détachement. Ce cap, fort élevé, est remarquable par sa couleur d'un rouge-brun. De là, dans les temps clairs, la vue peut s'étendre jusqu'à l'entrée du canal Wellington. Vers le soir, on vit le cap Bellot séparé du cap Walker par la baie de MacLeod. Le cap Bellot fut ainsi nommé en présence du jeune officier français que l'expédition anglaise salua d'un triple « Hurrah ! » En cet endroit, la côte est faite d'une pierre calcaire jaunâtre, d'apparence très rugueuse. Elle est défendue par d'énormes glaçons que les vents du nord y entassent de la façon la plus imposante. Elle fut bientôt perdue de vue par le Forward, qui s'ouvrit, au travers des glaces mal cimentées, un chemin vers l'île Béchet en traversant le détroit de Barrow. Hatteras, résolu à marcher en ligne droite pour ne pas être entraîné au-delà de l'île, ne quitta guère son poste pendant les jours suivants. Il montait fréquemment dans les barres de perroquets pour choisir les passes avantageuses. Tout ce que peuvent faire l'habileté, le sang-froid, l'audace, le génie même d'un marin, il le fit pendant cette traversée du détroit. La chance, il est vrai, ne le favorisait guère, car à cette époque, il eût dû trouver la mer à peu près libre. mais enfin, en ne ménageant ni sa vapeur, ni son équipage, ni lui-même, il parvint à son but. Le 3 juillet, à 11 heures du matin, l'Ice-Master signala une terre dans le nord. Son observation faite, Hatteras reconnut l'île Bechet, ce rendez-vous général des navigateurs arctiques. Là, touchèrent presque tous les navires qui s'aventuraient dans ces mers. Là, Franklin établit son premier hivernage avant de s'enfoncer dans le détroit de Wellington. Là, Creswell, le lieutenant de McClure, après avoir franchi 470 miles sur les glaces, rejoignit le Phoenix et revint en Angleterre. Le dernier navire qui mouilla à l'île Bechet avant le Forward fut le Fox. McClintock s'y ravitailla le 11 août 1855 et y répara les habitations et les magasins. Il n'y avait pas 2 ans de cela. Hatteras était au courant de ces détails. Le cœur du maître d'équipage battait fort à la vue de cette île. Lorsqu'il la visita, il était alors quartier-maître à bord du Phoenix. Hatteras l'interrogea sur la disposition de la côte, sur les facilités du mouillage, sur l'atterrissement possible. Le temps se faisait magnifique. La température se maintenait à 57 degrés, plus 14 degrés centigrades. « Eh bien, Johnson, demanda le capitaine, vous y reconnaissez-vous ? Oui, capitaine, c'est bien l'île Bechet. Seulement, il nous faudra laisser porter un peu au nord. La côte y est plus accostable. Mais les habitations, les magasins, dit Hatteras. Oh, vous ne pourrez les voir qu'après avoir pris terre. Ils sont abrités derrière ces monticules que vous apercevez là-bas. Et vous y avez transporté des provisions considérables ? Considérables, capitaine. Ce fut ici que l'amirauté nous envoya, en 1853, sous le commandement du capitaine Inglefield, avec le steamer, le Phoenix, et un transport chargé de provisions, le Breadalbain. Nous apportions de quoi ravitailler une expédition tout entière. Mais le commandant du Fox a largement puisé à ses provisions, en 1855, dit Hatteras. « Soyez tranquille, capitaine, répliqua Johnson. Il en restera pour vous. Le froid conserve merveilleusement, et nous trouverons tout cela frais et en bon état, comme au premier jour. » « Les vivres ne me préoccupent pas, répondit Hatteras. J'en ai pour plusieurs années. Ce qu'il me faut, c'est du charbon. » « Eh bien, capitaine, nous en avons laissé plus de 1000 tonneaux. Ainsi, vous pouvez être tranquille. » « Approchons-nous, reprit Hatteras, qui, sa lunette à la main, ne cessait d'observer la côte. « Vous voyez cette pointe, reprit Johnson. Quand nous l'aurons doublée, nous serons bien près de notre mouillage. Oui, c'est bien de cet endroit que nous sommes partis pour l'Angleterre avec le lieutenant Creswell et les 12 malades de l'Investigator. Mais si nous avons eu le bonheur de rapatrier le lieutenant du capitaine McClure, l'officier Belot, qui nous accompagnait sur le Phoenix, n'a jamais revu son pays. Ah, c'est là un triste souvenir. Mais, capitaine, je pense que nous devons mouiller ici même. « Bien, répondit Hatteras. Il donna ses ordres en conséquence. Le Forward se trouvait dans une petite baie naturellement abritée contre les vents du nord, de l'est et du sud, et à une encablure de la côte environ. « Monsieur Wall, dit Hatteras, vous ferez préparer la chaloupe, et vous l'enverrez avec 6 hommes pour transporter le charbon à bord. « Oui, capitaine, répondit Wall. Je vais me rendre à terre dans la pirogue avec le docteur et le maître d'équipage. Monsieur Shandon, vous voudrez bien nous accompagner ? À vos ordres, répondit Shandon. Quelques instants après, le docteur, muni de son attirail de chasseur et de savant, prenait place dans la pirogue avec ses compagnons. 10 minutes plus tard, il débarquait sur une côte assez basse et rocailleuse. Guidez-nous, Johnson, dit Hatteras. Vous y retrouverez-vous. Parfaitement, capitaine. Seulement, voici un monument que je ne m'attendais pas à rencontrer en cet endroit. Cela, s'écria le docteur, je sais ce que c'est. Approchons-nous. Cette pierre va nous dire elle-même ce qu'elle est venue faire ici. Les 4 hommes s'avancèrent et le docteur dit, en se découvrant, « Ceci, mes amis, est un monument élevé à la mémoire de Franklin et de ses compagnons. » En effet, l'édit Franklin, ayant remis en 1855 une table de marbre noir au docteur Kane, en confia une seconde en 1858 à McClintock, pour être déposé à l'île Bechet. McClintock s'acquitta religieusement de ce devoir et il plaça cette table non loin d'une stèle funéraire érigée déjà à la mémoire de Bello par les soins de Sir John Barrow. Cette table portait l'inscription suivante « À la mémoire de Franklin, Crozier, Fitzjames et de tous leurs vaillants frères, officiers et fidèles compagnons, qui ont souffert et péri pour la cause de la science et pour la gloire de leur patrie. Cette pierre est érigée près du lieu où ils ont passé leur premier hiver arctique et d'où ils sont partis pour triompher des obstacles ou pour mourir. Elle consacre le souvenir de leurs compatriotes et amis qui les admirent et de l'angoisse maîtrisée par la foi de celle qui a perdu dans le chef de l'expédition le plus dévoué et le plus affectionné des époux. C'est ainsi qu'il les conduisit au port suprême où tous reposent. 1855. Cette pierre, sur une côte perdue de ces régions lointaines, parlait douloureusement au cœur. Le docteur, en présence de ses regrets touchants, sentit les larmes venir à ses yeux. À la place même où Franklin et ses compagnons passèrent, pleins d'énergie et pleins d'espoir, il ne restait plus qu'un morceau de marbre pour souvenir. Et malgré ce sombre avertissement de la destinée, le Forward allait s'élancer sur la route de l'Erebus et du Terror. Hatteras s'arracha le premier à cette périlleuse contemplation et gravit rapidement un monticule assez élevé, presque entièrement dépourvu de neige. « Capitaine, lui dit Johnson en le suivant, de là nous apercevrons les magasins. » Shandon et le docteur les rejoignirent au moment où ils atteignaient le sommet de la colline. Mais de là, leurs regards se perdirent sur de vastes plaines qui n'offraient aucun vestige d'habitation. « Voilà qui est singulier, dit le maître d'équipage. « Eh bien, et ces magasins ?» dit vivement Hatteras. « Je ne sais, je ne vois, » balbutia Johnson. « Vous vous serez trompé de route, » dit le docteur. « Il me semble pourtant, » reprit Johnson en réfléchissant, « qu'à cet endroit même... »« Enfin, » dit impatiemment Hatteras, « où devons-nous aller ?»« Descendons, » fit le maître d'équipage, « car il est possible que je me trompe depuis 7 ans, je puisse avoir perdu la mémoire de ces localités. » Surtout, répondit le docteur, quand le pays est d'une uniformité si monotone. Et cependant, murmura Johnson, Shandon n'avait pas fait une observation. Au bout de quelques minutes de marche, Johnson s'arrêta. « Mais non, s'écria-t-il, non, je ne me trompe pas. Eh bien, dit Hatteras en regardant autour de lui, qui vous fait parler ainsi, Johnson ? Demanda le docteur. Voyez-vous ce renflement du sol ? Dit le maître d'équipage, en indiquant sous ses pieds une sorte d'extumescence dans laquelle 3 saillies se distinguaient parfaitement. « Qu'en concluez-vous » demanda le docteur. « Ce sont là, répondit Johnson, les 3 tombes des marins de Franklin. J'en suis sûr, je ne me suis pas trompé. Et à 100 pas de nous devraient se trouver les habitations. Et si elles n'y sont pas, c'est que... » Il n'osa pas achever sa pensée. Hatteras s'était précipité en avant, et un violent mouvement de désespoir s'empara de lui. Là avaient dû s'élever en effet les magasins tant désirés, avec ses approvisionnements de toutes sortes sur lesquels il comptait. Mais la ruine, le pillage, le bouleversement, la destruction avaient passé là où des mains civilisées créèrent d'immenses ressources pour les navigateurs épuisés. Qui s'était livré à ces déprédations? Les animaux de ces contrées, les loups, les renards, les ours? Non, car ils n'eussent détruit que les vivres. Il ne restait pas un lambeau de tente, pas une pièce de bois, pas un morceau de fer, pas une parcelle d'un métal quelconque. Et circonstances plus terribles pour les gens du Forward, pas un fragment de combustible. Évidemment, les Esquimaux, qui ont été souvent en relation avec les navires européens, ont fini par apprendre la valeur de ces objets, dont ils sont complètement dépourvus. Depuis le passage du Fox, ils étaient venus et revenus à ce lieu d'abondance, prenant et pillant sans cesse, avec l'intention bien raisonnée de ne laisser aucune trace de ce qui avait été. Et maintenant, un long rideau de neige recouvrait le sol. Hatteras était confondu. Le docteur regardait en secouant la tête. Shandon se taisait toujours, et un observateur attentif eut surpris un méchant sourire sur ses lèvres. En ce moment, les hommes envoyés par le lieutenant Wall arrivèrent. Ils comprirent tout. Shandon s'avança vers le capitaine et lui dit « Monsieur Hatteras, il me semble inutile de se désespérer. Nous sommes heureusement à l'entrée du détroit de Barrow, qui nous ramènera à la mer de Baffin. » « Monsieur Shandon, répondit Hatteras, nous sommes heureusement à l'entrée du détroit de Wellington. Il nous conduira au nord. » « Et comment naviguerons-nous, capitaine ?» À la voile, monsieur, nous avons encore pour 2 mois de combustible, et c'est plus qu'il ne nous en faut pendant notre prochain hivernage. Vous me permettrez de vous dire, reprit Shandon, Je vous permettrai de me suivre à mon bord, monsieur, répondit Hatteras. Et, tournant le dos à son second, il revint vers le brick et s'enferma dans sa cabine. Pendant 2 jours, le vent fut contraire. Le capitaine ne reparut pas sur le pont. Le docteur mit à profit ce séjour forcé en parcourant l'île Bechet. Il recueillit les quelques plantes qu'une température relativement élevée laissait croître çà et là sur les rocs dépourvus de neige. Quelques bruyères, des lichens peu variés, une espèce de renoncule jaune, une sorte de plante semblable à l'oseille, avec des feuilles larges de quelques lignes au plus, et des saxifrages assez vigoureux. La faune de cette contrée était supérieure à cette flore si restreinte. Le docteur aperçut de longues troupes d'oies et de grues qui s'enfonçaient dans le nord, les perdrix, les édaïdux, d'un bleu noir, les chevaliers, sorte d'échassiers de la classe des scolopax, des northern divers, plongeurs au corps très long, de nombreux ptarmites, espèces de gelinottes fort bonnes à manger, des dovekies, avec le corps noir, les ailes tachetées de blanc, les pattes et le bec rouges comme du corail, les bandes criardes de kittiwakes, les gros loons au ventre blanc, représentaient dignement l'ordre des oiseaux. Le docteur fut assez heureux pour tuer quelques lièvres gris qui n'avaient pas encore revêtu leur blanche fourrure d'hiver et un renard bleu que Duke força avec un remarquable talent. Quelques ours, habitués évidemment à redouter la présence de l'homme, ne se laissèrent pas approcher. Et les phoques étaient extrêmement fuyards, par la même raison sans doute que leurs ennemis, les ours. La baie regorgeait d'une sorte de buccin fort agréable à déguster. La classe des animaux articulés, ordre des diptères, famille des culicides, division des némocères, fut représentée par un simple moustique, un seul, dont le docteur eut la joie de s'emparer après avoir subi ses morsures. En sa qualité de conchyliologue, il fut moins favorisé, il dut se borner à recueillir une sorte de moule et quelques coquilles bivalves.